France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Avant Starmania, il y eut la Révolution française, la première comédie musicale française rock en 1973. 350 000 albums vendus et un spectacle qui affiche complet au Palais des Sports durant 45 jours. Et puis il y eut Les Misérables, mis en scène par Robert Hossein en septembre 80. Trois petits tours au Palais des Sports et puis s'en vont outre-Manche où depuis 33 ans, le spectacle est à l'affiche non-stop et s'est entre-temps envolé à Broadway. Leurs auteurs sont français, Claude-Michel Schoenberg est le compositeur et Alain Boublil, l'auteur. Bonjour Alain Boublil. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous ce dimanche matin sur France Musique. Un grand plaisir. Le petit quartier de la comédie musicale, c'est chaque dimanche matin sur France Musique, la 42e rue. Vous aimez ce genre? Vous partagez votre vie, je crois, entre New York, Los Angeles, Londres et Paris. Vous en voyez beaucoup des comédies musicales encore aujourd'hui? Bien sûr. Et j'ai encore des grands moments d'émotion, même des révélations. Aller voir Hamilton à Broadway il y a un an et demi, à la création, c'était un moment inoubliable de voir qu'il y avait un jeune garçon qui avait 30 ans, qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, qui a réinventé encore une fois le genre, mais en tenant compte des leçons du passé, puisqu'il m'a avoué à la fin de la représentation que son modèle c'était Les Misérables et qu'il s'était beaucoup inspiré du livret pour la construction d'Hamilton. Ça fait plaisir. Ce matin, à la Boublil, vous avez accepté de programmer 42e rue, de nous faire découvrir vos coups de cœur, à commencer par celui-ci. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Isn't it? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I'd start. Don't you love fuss? My fault, I feel. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother. Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clouds? There ought to be clouds. Well, maybe. Is that your name? Julie? Julie something? Julie Jordan. You're a queer one, Julie Jordan. Ain't you sorry that you didn't run away? You can still go if you want her. I reckon that I care to choose to stay. You couldn't take my money if I didn't have any, and I don't have a penny, that's true. And if I did have money, you couldn't take any, 'cause you'd ask and I'd give it to you. You're a queer one, Julie Jordan. Have you ever had a fella you give money to? No. Ain't you ever had a fella at all? No. Well, you must have had a fella you went walking with. Yes. Where'd you walk? Nowhere special, I recall. In the woods? No. On the beach? No. Did you love him? No, never loved no one. I told you that. You're a funny kid. Want to go into town and dance, maybe? No. No, I have to be careful. Of what? My character. You see, I'm never gonna marry. I'm never gonna marry. If I was gonna marry, I wouldn't have to be such a stickler. But I'm never gonna marry, and a girl who don't marry has got to be much more particular. Suppose I was to say to you that I'd marry you. You? That scares you, don't it? But you wouldn't want to marry anyone like me, would you? Yes, I would if I loved you. Wouldn't make no difference what you did. Not even if I died for it. How do you know what you'd do if you loved me? Or how you'd feel, or anything? I don't know how I know. Ah. Just the same, I know how I... How would it be if I loved you? When I worked in the mill, weaving at the loom, I'd gaze absent-minded at the roof. And half the time the shuttle would tangle in the threads and the warp would get mixed with the woof. If I loved you. But somehow I can see just exactly how I'd be. If I loved you, Barbara Cook, Samuel Ramey, dans Carousel de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, avec le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Paul Geminiani, If I Loved You, et puis juste auparavant, Judy Collins, Send in the Clown, extrait de A Little Night Music de Stephen Sondheim. Pourquoi ces deux choix pour débuter, Alain Boublil? Je vous voyais pas fermer les yeux, mais entendre avec volupté ces deux voix. Écoutez, il y a des choses qui sont parfaites, c'est-à-dire que Send in the Clown, ça fait partie de ces mélodies et de ces textes qui, bien sûr, sont faits pour aller ensemble. Mais on a l'impression qu'il n'y a aucune note qui pourra en remplacer une autre quand on écoute la mélodie de Send in the Clown. C'est, pour moi, une des plus belles chansons de théâtre jamais écrites par Stephen Sondheim, et il en a écrit quelques-unes. C'est parce que ça raconte une histoire importante que bien sûr on comprend quand on va voir la comédie musicale. Oui, c'est l'héroïne qui vient de revoir son ancien amant qu'il avait délaissé pour se marier avec une autre et tout d'un coup les effusions reviennent. Voilà, et au lieu d'utiliser une idée banale, tout à coup il dit envoyez les clowns, faites-les rentrer dans la pièce et d'une certaine façon c'est d'eux qui parlent. Les clowns c'est lui et elle, enfin on comprend ce qu'on veut, c'est au choix après. Mais il y a déjà une idée de départ qui est formidablement original. Ça fait avancer l'action, parce que vous savez qu'une chanson de comédie musicale, ou ça fait avancer l'action, ou alors ça l'arrête pour un moment interne, c'est-à-dire c'est un moment pendant lequel on réfléchit à ce qu'on est en train de penser ou à ce qu'on voudrait faire plus tard, ou c'est un moment d'internalité, quelque chose qui peut être très aussi fort qu'une chanson qui fait avancer l'action. Et ça, c'est la chanson parfaite d'un moment où on sait que deux personnes ne se sont pas tout dit, en fait, quand ils étaient mariés ou ensemble, et que de se revoir longtemps après, après avoir fait des erreurs sur le chemin séparé de la vie qu'ils ont emprunté, ils ont encore quelque chose à se dire ou quelque chose à en dire. Et ça, c'est rare et merveilleux. Et maintenant, pour l'anecdote personnelle, cette chanson, je l'ai entendue pour la première fois, j'étais à Montréal avec Claude-Michel Schoenberg. On est dans une chambre d'hôtel et on était en train de faire la promotion de son disque Le Premier Pas, de l'époque où Claude Michel était chanteur et moi j'étais producteur du disque, et on regardait comme par hasard la télévision américaine, et sur la télévision américaine il y avait la soirée des Tony Awards, et sur la soirée des Tony Awards, dont on ne savait pas ce que c'était, nous à l'époque du tout, eh ben, on voit apparaître cette chanson qui cette année-là avait gagné je ne sais pas quel prix exactement. Et on voit Judy Collins qui chante cette chanson. On était tous les deux dans un état de prostration totale et d'émerveillement. Et on s'est dit, bah, voilà le genre de chanson qu'il faudrait essayer d'écrire un jour. Alain Boublil, vous êtes l'auteur, le parolier des Misérables, de Miss Saigon, de la Révolution française. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Votre autre choix ce matin que vous voulez faire partager avec les auditeurs, c'est l'extrait de Jésus-Christ Superstar. 1971, Jésus était incarné par Ian Gillan. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, my God. I'd wanna know, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, my Lord. Have to know, have to know. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. After all, I've tried for 3 years. Seems like 90. Why then am I scared to finish what I started? What you started, I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison. Nail me to your cross and break me, bleed me, beat me. Change my mind. dans les jardins de Gethsemane, où Jésus sait qu'il va être arrêté après la dernière scène, se recueille et exprime à Dieu ses doutes, son angoisse. Un extrait de Jésus-Christ Superstar, votre choix, Alain Boublil. Une comédie musicale de 1971. Andrew Lloyd Webber, pourquoi cette chanson et pourquoi cette comédie musicale? Parce que cette comédie musicale, Jésus-Christ Superstar, a joué un rôle fondamental dans ma vie et dans ma décision de faire ce que je fais, puisque par hasard, ce soir-là, on m'a offert deux places pour la première. J'étais à New York, à Broadway, pour tout à fait autre chose. Et on m'a offert deux places en me disant, il y a une comédie musicale. Et j'ai dit, ah bah oui, moi, je vais y aller tout de suite. Et je découvre Jésus-Christ Superstar. Et depuis des années déjà, avec Claude-Michel Schoenberg, on parlait de comédie musicale, on parlait de sortir du cadre de la chanson de 3 minutes, mais on parlait comme on parle de ces choses-là, sans croire vraiment qu'un jour ça va changer votre vie. Et puis ce soir-là, tout à coup, j'ai vu sur scène, et j'ai entendu surtout, une façon d'écrire une comédie musicale qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu avant, à Broadway, et qui m'avait bouleversé, c'est-à-dire en particulier West Side Story, qui m'avait bouleversé quand j'avais 17-18 ans, mais dont je ne voyais pas quoi faire. Je ne voyais pas comment on pouvait un jour écrire quelque chose qui soit au niveau de ce qu'écrivaient Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. Et pourquoi c'était différent de ce que vous avez vu jusqu'à Parce que tout à coup, j'ai compris, sans les connaître, que les deux auteurs et compositeurs de Jésus-Christ Superstar, c'est-à-dire Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, étaient des gens qui venaient du même moule que nous, c'est-à-dire des gens qui écrivaient des chansons. J'ai réalisé que c'était des gens qui venaient à la fois d'une culture de comédie musicale, mais qui baignait dans la pop musique de l'époque, exactement comme Claude-Michel Schoenberg et moi. Et à ce moment-là, tout à coup, le déclic s'est fait dans ma tête, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on trouve le sujet qui va permettre de faire exactement ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ Superstar, c'est-à-dire d'en faire une histoire avec le son de leur époque, avec une espèce de d'environnement de rock autour de l'idée, en tenant compte uniquement de l'âge qu'avaient les gens auxquels cette histoire est arrivée, et non pas en se disant il faut qu'historiquement ça soit de la musique araméenne de l'époque. Ils ont donc osé faire cette transposition brutale, et ce même soir, je suis sorti de ce spectacle complètement déboussolé, habité, dans un état que je ne peux pas vous décrire ici. J'ai marché dans la 42e rue aller-retour une dizaine de fois, et au bout d'un moment, tout à coup, j'ai imaginé qu'on allait faire la Révolution française. Mirabeau, Robespierre, Camille Desmoulins, tous ces gens-là avaient notre âge. Ils avaient 27-28 ans au moment où ils se sont réunis pour la première fois pour décider que le tiers-État allait prendre une place différente à la première assemblée auprès du roi. Et tout à coup, je me suis dit, mais voilà le sujet sur lequel on peut faire ce qui est devenu le rock-opéra, la Révolution française. Et les états généraux, dans la Révolution française, de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, ça sonnera comme ça. Moi, Louis XVI, roi de France, par la grâce de Dieu, le Très-Haut, je déclare ouverte la séance des états généraux. J'espère en votre sagesse pour mener à bien ces travaux. Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir, toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France. De ces changements dont rêvent encore les ennemis du bien public, qui veulent nuire à la rénovation dont votre majesté a déjà fait sa politique. Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de Yeah. nous sommes là par sa volonté. Deuxième rue, Laurent Vallière, France Musique. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares? Whatever we got, we share. If it's your chance to be, we should see some harder days. Empty lot of days. Oh, I grouse. Always a chance we'll meet somebody to foot the bill. Then the drinks are on the air. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration, we can state, consider yourself one of us. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares? Whatever we got, we share. Nobody tries to be la-di-da and uppity. There's a cup of tea for all. Only it's wise to be handy with a rolling pin when the landlord comes to call. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration, we can stay. Consider yourself one of us. Consider yourself at home. Alain Boublil, le librettiste des Misérables, le co-auteur des Misérables de Miss Saigon, programme 42e rue ce matin et programme notamment Consider Yourself, extrait de Oliver, la comédie musicale d'après Oliver Twist de Charles Dickens et la chanson hymne du personnage d'Oliver Twist. Pourquoi Alain Boublil ? Pourquoi ? D'abord, je dois dire, Oliver a été écrit, la comédie musicale, par Lionel Bart, qui est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer après, qui est un extraordinaire créateur, parce qu'il écrivait tout, le livret, les paroles et la musique. C'est un modèle, hein ? Ah oui, un vrai modèle. Et pourquoi ? Parce que pendant que je regardais Oliver, un jour à Londres, dans un théâtre de West End, qui s'appelait l'Albury à l'époque, il a changé de nom, dans ce théâtre, jouait Oliver. Et j'étais allé pour le plaisir d'aller voir une comédie musicale. Et quand j'ai redécouvert tous les personnages du roman de Dickens sur scène, et je vois arriver la bande de gosses, Oliver, et surtout le petit voyou de la bande, qui s'appelle The Artful Dodger, en anglais. Quand je vois ce gosse, je me mets à penser à Gavroche, et je me dis, ah oui, tiens, ils font chanter donc les enfants. Et j'imagine dans ma tête Gavroche, puis je commence à penser aux autres personnages. Pour rien vous cacher, avec Claude-Michel Schoenberg, on cherchait déjà depuis plus de deux ans et demi, le nouveau sujet, qu'est-ce qu'on allait écrire après la Révolution française. Et tout à coup, dans ma tête, c'est comme s'il y avait deux spectacles. Il y avait d'un côté Oliver que je regardais, et dans l'autre moitié, dans l'autre hémisphère, il y avait tous les personnages des Misérables que je voyais les uns après les autres. L'histoire, bien sûr, je la connaissais par cœur. Et j'imaginais déjà 4 ou 5 des scènes que pourraient devenir Les Misérables si ça devenait un jour une comédie musicale. En sortant de là, j'étais persuadé que ça allait être notre prochain sujet. Je suis rentré à Paris, j'ai relu rapidement, j'ai survolé le roman. Et toutes les 10 pages, je voyais le sujet d'une scène dont le titre de la chanson que ça pourrait devenir m'était inspiré immédiatement. J'ai des notes partout, d'ailleurs je l'ai conservé ce livre. J'ai appelé Claude Michel, je lui ai raconté mon émotion à la suite de cette soirée et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, on commence demain. Le reste, vous en avez entendu parler. Alors la chanson de Gavroche dans Les Misérables, qui d'ailleurs est presque inexistante dans la version anglaise lorsque 5 ans plus tard le spectacle a été monté à Londres. Comment ça vous est venu, la faute à Voltaire? Bah, écoutez, c'est assez normal puisque il était hors de question qu'on n'écrive pas, après l'effet que m'avait fait Consider Yourself d'Oliver, qu'on n'écrive pas une chanson pour Gavroche. Et puis, évidemment, en refeuilletant Les Misérables, j'ai découvert que Victor Hugo avait écrit quelques lignes de ce qu'il considérait être une chanson que chantait Gavroche dans les rues, dans lesquelles il y avait les mots « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ». Et à partir de là, avec Claude Michel, on s'est amusé à écrire les couplets de ce que pourrait être cette chanson si elle avait vu le jour, et j'espère qu'il nous pardonne. Et donc, ça a été écrit en combien de temps, cette chanson, par exemple ? C'était la plus courte à écrire, hein ? Oui, très vite, bien sûr, puisque le refrain existait. Tout le reste, on l'a écrit entièrement. Là, c'était inspiré directement des quelques mots que Victor Hugo avait écrits pour Gavroche. Et c'est Fabrice Bernard qui était Gavroche au Palais des Sports. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de rien gagner avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à mon père. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon cœur à terre, c'est la faute à mon père. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis à va-nu-pied, mais nul enfin quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leurs dames. Et pour te rattraper, il leur faut plus l'agenda. On me connaît partout de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas de père, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas de père, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. En 1973, c'est donc la Révolution française, Alain Boublil, que vous écrivez, co-écrivez avec Jean-Max Rivière, qui vous aide pour les paroles. Raymond Janot aide Claude-Michel Schoenberg. En 1980, c'est Les Misérables, qui est transformé en comédie musicale à Londres en 85, et qui depuis est toujours à l'affiche, 33 ans plus tard. Et donc vous avez écrit en fait, si je comprends bien, plusieurs comédies musicales plus connues outre-Atlantique qu'en France. Et j'ai une rareté entre les mains que m'a confié Stéphane Licouong du site regardencoulisses.com. C'est la version française, et si j'ai bien compris, initiale de Miss Saigon, comédie musicale composée dans la foulée des Misérables, créée à Londres en 1989. Comment elle est née cette comédie musicale ? Elle est née d'une obsession que Claude-Michel Schoenberg a de l'opéra Madame Butterfly. Et il a toujours rêvé qu'on en fasse une version modernisée, une version qui respecte l'histoire originale du malentendu entre deux personnes et deux pays en guerre, et qu'on arrive à la transposer dans une période plus contemporaine. Et à partir de là, on a longtemps cherché sans trouver, puis un jour, Claude Michel avait une photo sur Paris Match, je crois, d'une femme qui donnait son enfant à un pilote américain à l'aéroport de Saigon, dans l'espoir que ce pilote américain allait retrouver le père de cet enfant, c'est-à-dire l'homme avec lequel, le GI américain, avec lequel elle avait eu une relation pendant les années d'occupation. Toute l'histoire se passe dans la dernière semaine de la guerre du Vietnam, juste avant cette évacuation, et donc ces situations de désespoir existaient. En voyant cette image, j'ai été moi-même fasciné. Je lui dis, je crois qu'on a trouvé la période pendant laquelle on va transformer parfaitement ce malentendu. Laisse-moi réfléchir. Et là-dessus, au bout de deux jours, mon obsession à moi d'écrire un jour sur une scène de comédie musicale, un concours de beauté, ressurgit. Et je lui dis, je sais ce qu'on va faire. Ça va se passer dans un bar. C'est le début de cette histoire, un bar sordide de Saigon. Et on va faire un concours de beauté qui va être tout aussi sordide. Et la pièce va s'appeler Miss Saigon. Et là, on avait à la fois l'idée et le titre. À partir de là, la comédie musicale était prête. Et donc, on l'a écrite entièrement en français. Ah oui. Dans un premier temps. Entièrement en français, ne sachant pas exactement ce qu'on allait en faire. Et surtout, ne sachant pas du tout, à l'époque, si moi-même, je ne me considérais pas capable d'écrire quelque chose en anglais. Alors, on va entendre une de ses maquettes, Alain Boublil. C'est une des chansons qui est devenue les plus célèbres, The Last Night of the World, la chanson la plus romantique, la chanson d'amour entre le GI américain durant la guerre du Vietnam et Kim, la nouvelle prostituée. On va entendre quoi exactement? C'est quelque chose qu'on enregistre sur son piano Absolument, on va entendre un piano et on va entendre Claude-Michel Schoenberg qui chante. Et il chante à la fois Kim et Chris, le GI, donc il chante les deux voix. Donc il faut savoir que le premier couplet, il chante avec la voix de c'est Chris, et la deuxième partie, c'est Kim. Donc il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est-à-dire, c'est exactement le même maquette de démo qu'on a montré au producteur Cameron McIntosh. Et c'est à partir de l'écoute de 2 heures de musique et de paroles enregistrées dans ces conditions qu'il a pris la décision de produire cette comédie musicale à Londres. Dans un monde où ta différence t'a condamné pour l'existence, moi je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Dans un monde où l'indifférence enferme chacun dans son silence, moi je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Des jours meilleurs viendront sur la terre, nous n'attendrons pas la vie entière. Avec ceux qui se lamentent quand une voix nous chante, chante comme un solo de saxophone. Vis tes envies, n'écoute personne. Écris ta vie, oui, crie et chante comme un solo de saxophone. Qui s'époumonne et joue pour nous, seul dans la nuit, pour moi, pour toi la vie. Viens danser, donne-moi ta main, oublions-les jusqu'à demain, la nuit qui revient nous appartient. Des jours meilleurs viendront sur la terre, nous n'attendrons pas la vie entière. Avec ceux qui se lamentent quand une voix nous chante, chante comme un solo de saxophone. Vis tes envies, n'écoute personne. Écris ta vie, oui, crie. Oui, crie et chante comme un solo de saxophone. Qui s'époumonne et joue pour nous, seul dans la nuit, seul dans la nuit. Rêve, emporte-moi très loin. Rêve, mon rêve américain. Loin, je ne rêve pas. Je chante comme un solo de saxophone. Qui sait pour moi, les jours pour nous, seul dans la nuit, pour toi, pour moi la vie. Not torn. Spirits know when to fly when it's time. There's no reason to mourn, for the great sacred bird is reborn. From the ashes he'll rise, and upon his wide wings I'll watch you from above. I will never be far, but my son, it's your turn to know your father's love. I know now why I came to this earth. It's so you find your place. But for that, I must leave your embrace. You will be with your father now. Give all your love to him when I am gone. Take one last look at me. Don't forget what you see. For now you must move on. You will be who you want to be. You can choose whatever heaven grants. As long as you can have your chance, I swear I'll give my life for you. No one will stop what I must do. My son, I'll give my life for you. Le suicide de Miss Saigon, dans Miss Saigon, la comédie musicale d'Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg, à sa création à Londres avec Léa Salonga. Alain Boublil, je vous propose de refermer cette 42e rue avec un morceau que j'ai choisi, avec une interprète que vous avez choisie, Marie Zamora. C'est un extrait de Martin Guerre, une autre comédie musicale que vous avez écrite avec Claude-Michel Schoenberg en 1996. L'adaptation non seulement du film de Daniel Vigne, Le retour de Martin Guerre, mais aussi inspirée de ce procès autour d'une possible usurpation d'identité au Moyen-Âge. C'est un air intitulé « Live with somebody you love ». C'est un projet plus compliqué, j'ai l'impression, Martin Guerre. Beaucoup plus compliqué. Il est inspiré de l'histoire originale. C'est qu'on a fait des recherches dans l'histoire originale. Il n'est pas inspiré du film. Et donc, ça a été un travail colossal d'essayer de voir comment on pouvait mettre en musique une histoire comme celle-là, puisqu'il y a un mystère. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Donc, vous imaginez que les gens qui viennent voir le spectacle doivent avoir envie de voir ou éventuellement de le revoir, même s'ils savent, connaissent la réponse à la question « est-ce lui, est-ce pas lui ?» puisque toute l'histoire repose sur cet homme qui est revenu 7 ans plus tard dans le village qu'il avait quitté 7 ans plus tôt et qui est reconnu par tout le monde, y compris sa femme, et dont on s'aperçoit un jour que ce n'est peut-être pas lui qui est revenu. Bon, c'est pas à moi de révéler maintenant la conclusion de l'histoire, mais c'est une histoire qui nous a fascinés parce que c'est une histoire d'amour qui va au-delà des conventions, qui va au-delà de la morale et qui fait de deux peut-être menteurs, donc anti-héros, les héros d'une histoire d'amour bouleversante, puisque l'attrait de Bertrand et Martin va bien, bien, bien au-delà de ce qui est acceptable. Alors cette comédie musicale est fascinante pour moi parce que je ne sais plus qui disait qu'il n'y a rien de pire que de construire une comédie musicale parce qu'on remet toujours le travail sur le métier. Mais là, en l'occurrence, elle a été créée en 1996 et vous n'avez cessé de vouloir la modifier. Je crois que vous travaillez encore sur une nouvelle version. Qu'est-ce qu'il faut à chaque fois améliorer ? Il faut à chaque fois améliorer la façon, pas seulement dont on présente comédie musicale, mais d'une histoire qui devient implacable, c'est-à-dire que quand on va voir la comédie musicale, on a l'impression d'avoir vu le film, d'avoir lu le livre, s'il y en a un, de faire qu'il n'y ait plus de pierre à déterrer et à voir si on ne peut pas faire avec cette pierre. Vous savez, on a l'impression que c'est un métal précieux, puis ça ne l'était pas, il faut le remplacer jusqu'à qu'on arrive au métal précieux qui constitue toute comédie musicale. Et là, concrètement, vous faites quoi quand vous retravaillez sur ce matériau? Là, on est en train de retravailler sur une partie de l'histoire, sur les sentiments qui animent l'héroïne Bertrande dans la première partie de sa vie, et puis on s'est aperçu qu'en fait, l'histoire de Martin Guerre, c'était beaucoup plus l'histoire de Bertrande Guerre. Et en fait, la version qu'on va recréer probablement à Londres dans un an et demi, ça va être l'histoire de Martin Guerre à travers les yeux de Bertrande Guerre. On va écouter Marie Zamora, Michael Ball. Et ce duo, alors en fait au départ, c'est un duo entre les deux copains que sont Arnaud et Martin. Mais ici, c'est un duo entre un Absolument. Homme et une femme. C'est une idée que j'ai eue un jour en réunissant Marie Zamora et Michael Ball pour un disque. Tout à coup, je me suis dit, mais cette chanson ferait un merveilleux duo. À l'époque, il n'était pas dans la pièce. Maintenant, dans la pièce, c'est devenu un duo d'amour entre Bertrande et Martin. It's a day to be shared with a man that you long for. It's a day made by God for the peace of the heart. You take his hand in your hand, and it's just him and you strolling. Stay. Marie Zamora, Michael Ball, Live with Somebody You Love, extrait de Martin Guerre, peut-être de retour à Londres la saison prochaine. Alain Boubli, vous me disiez pendant le morceau, les voix, je vis pour ça. Je vous entendais parce que pendant toute l'émission, quand vous entendez une belle voix féminine, c'est incroyable, vous vous envolez presque. Ah oui, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et ils expriment, sans les artistes, les acteurs, les chanteurs, on ne serait rien parce qu'ils subliment tout ce dont on rêve. Nous, on imagine, et eux, ils font. Merci Alain Boublil. Merci à vous. La programmation musicale, vous la retrouverez sur francemusique.fr. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Chers auditeurs, en direct au Studio 105 avec le Duke Ellington Orchestra de Laurent Mignard pour un cabaret autour de Jazzy Poppins. C'est une version de Mary Poppins, revue et corrigée par Duke Ellington. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière, préparée avec Christophe Dillis, Martine Moni. À la technique, Julie Garraud. À la réalisation, Fabien Flora. Dans un instant, vous retrouvez Jean-Baptiste Urbain. Rideau! À réécouter sur francemusique.fr.